La compagnie des auteurs qui vous est proposée aujourd'hui comme chaque jour par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Corinne Amard, Laurence Millet et Gauthier Amiel avec à la console Jean-Guilain Meige. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi, nous poursuivons notre série d'émissions dédiée à l'écrivain Romain Gary. Né en 1914 à Vilnius, dans l'actuelle Lituanie, Roman Katchev aurait eu une mère comédienne et se souviendrait de la révolution bolchévique. Faux, nous a expliqué hier Jean-Marie Cattonnet. Celui qui allait devenir Romain Gary était en grande partie un affabulateur et il conviendrait de ne pas trop se fier à sa légende ni à ses écrits présentés comme autobiographiques, sauf à considérer que c'est finalement dans la manière dont il s'est imaginé en divers personnages que se trouve le vrai Romain Gary. Creuser l'identité de cet homme insaisissable, c'est également ce qui a intéressé Guy Amselem que nous recevrons jeudi. Celui qui est aujourd'hui le directeur de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine a en effet publié un livre sur le sujet, c'était en 2008. Enfin demain, nous reviendrons sur le moment américain de Gary, ses années à New York et surtout à Los Angeles où il a rencontré Jane Seberg et rédigé notamment son roman « Chien blanc ». C'est sa biographe de référence et celle qui fut aussi son amie qui viendra nous en parler, Myriam Anisimov. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer quelques romans de Romain Gary, mais surtout sur la question des langues chez ce grand cosmopolite, je reçois Jean-François Angouette, fondateur de l'association Les Mille Gary, chargé de l'inventaire et de la promotion de son œuvre, co-directeur avec Paul Audy en 2005 du cahier de Lerne qui lui est consacré, et également auteur d'un découverte Gallimard intitulé Gary à la traversée des frontières. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Je crois que dans la nature de l'homme, ce qui fait aujourd'hui que le bonheur est plus rare, que nous sommes plus détraqués qu'avant, c'est que les moyens de ne pas être nous-mêmes, de nous diriger dans mille directions différentes, sont trop variés. Et vous êtes trop offert de trop de télévision, trop de voitures, pas au sens matériel, mais vous êtes trop dispersés pour jouir vraiment d'un rapport intime avec la vie. Est-ce qu'au fond, pour vous, le lieu de ralliement, ce n'est pas finalement la littérature ? Le bonheur, c'est se débarrasser de soi-même, d'abord. Je ne suis vraiment libre, je ne suis vraiment débarrassé de moi-même que lorsque j'écris. Je connais mille plaisirs à part ça, mille excitations, mille griseries. Je ne connais le véritable bonheur que lorsque je suis seul avec mon papier et ma plume. Une des choses les plus extraordinaires qui m'est arrivée, c'est une enquête venue de Nice, une grande enquête pour je ne sais quoi, où l'on me demande, on parle de la solitude de l'écrivain, comment sentez-vous comme solitude de l'écrivain ? Alors là, vraiment, les bras m'en sont tombés, parce que la solitude de l'écrivain, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand je suis là avec mes personnages dans mon roman, je n'existe pas. Je ne suis pas seul parce que je n'existe pas. C'est eux qui existent, je ne suis pas, je disparais. Romain Gary, interrogé par André Bourin en 1969, Gary pour qui la dispersion que favorise le monde moderne contribue à altérer le bonheur. Bonjour Jean-François Angouette. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange. C'est un Gary un petit peu philosophe qu'on vient d'entendre dans cette archive. Ah mais Gary est toujours philosophe et il exprime ici un certain paradoxe, effectivement. Celui de la toute-puissance de l'écrivain qui goûte une fringale de vie quand il est en face de la page blanche. Et c'est un peu le... cet oubli de soi-même en tant qu'être vivant et en tant que personne qui aspire à vivre une multiplicité de vies, une multiplicité d'expériences, c'est effectivement une aspiration à la fois physique et métaphysique de Romain Gary. Et ce rapport au monde moderne, qu'y a-t-il à en dire ? Alors l'extrait d'interview effectivement commençait par un excès de télévision, un excès de sollicitations. Oui. Ça reprend des idées qu'il avait exprimées plus tôt dans des articles pour la presse française et internationale. C'est-à-dire que le monde devient de plus en plus grand au fur et à mesure que les technologies rapprochent les contrées lointaines et les expériences racontées du monde par les uns, par les autres, se multiplient à travers tous les vecteurs qui nous apportent le monde. Et c'était un peu un effroi de Romain Gary de voir non pas le monde, la planète devenir plus petite. Elle se rétrécit avec les vitesses des transports. Ça lui va bien d'une certaine manière, mais parce qu'il aime la parcourir, la planète. Au contraire, cette planète se diversifie, devient de plus en plus énorme à parcourir, avec des expériences qu'il aimerait connaître à son tour. Et il y vient une frustration. C'est quelqu'un qui veut connaître toutes les expériences ? C'est quelqu'un qui veut connaître beaucoup d'expériences, effectivement, et notamment des expériences qui permettent d'entrer dans des aventures. Il ne s'agit pas forcément de répéter exactement les expériences connues par les uns ou les autres, mais de tenter de nouvelles aventures. Alors, il a eu cette expression dans un entretien avec Serge Lenz, c'était en 1968. Il avait expliqué que pour lui, l'origine des mots de la société venait de la provocation. Il parlait même de société de provocation, là où d'autres pourraient parler de société de consommation ou de société du spectacle. Comment est-ce que vous comprenez ce mot-là ? Alors effectivement, exactement dans le sens de la société du spectacle, c'est que les apparences comptent pour beaucoup, les attributs de la richesse évidente comptent aussi pour beaucoup, et ces contemporains, ils les voient quand même le plus souvent préoccupés du paraître, plutôt que de l'être plein. Mais lui-même qui est un personnage est sans doute préoccupé du paraître, comme sa mère pouvait l'être aussi, non ? Mais c'est un paraître qui est plus confronté, comme on l'a esquissé tout à l'heure, à des expériences métaphysiques et non pas à des expériences matérielles. Et la société de provocation, donc il a construit effectivement par parallèle avec la société de consommation, c'est une expression effectivement qu'il emploie des chiens blancs, hein, dans 1970, un récit où il était aux États-Unis et puis il voit les émeutes des jeunes noirs américains. Alors effectivement, il y a un aspect de lutte sociale pour la conquête des droits, mais il se rend compte aussi qu'il y a non pas forcément la conquête des droits, mais aussi la conquête de la richesse qu'on voit s'étaler sous la forme des biens matériels, de télévision, de réfrigérateurs et qui tentent les gens qui n'ont rien, qui n'ont que l'expérience de la misère. Et donc cette richesse qui s'étale aux yeux de tous et puis qui attire les convoitises et la violence éventuellement associée aux convoitises pour s'emparer de ce qui existe, c'est ça qu'il appelait la société de provocation. Mais il y voit plutôt effectivement une des dérives de la société, une sorte de branche morte de la société et de la civilisation, plutôt que quelque chose qui puisse stimuler une société véritablement faite de rapports humains pleins et d'expériences de vivre pleines. À tel point qu'on peut avoir le sentiment que lui-même a voulu se retirer du monde, peut-être un peu comme son personnage dans Adieu Gary Cooper, le personnage de Lenny, qui est ce qu'il appelle un skibum. Qu'est-ce que c'est un skibum, Jean-François Angouette ? Alors, le skibum, c'est un terme américain. Le bum, c'est un peu le vagabond. Par skibum, il faut entendre le vagabond des neiges. C'est le clochard céleste sur ski ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est le hobo de Jack London, mais qui n'est pas, qui ne parcourt pas l'Amérique sur les trains, mais qui parcourt les cimes pour être le plus haut possible au-dessus du niveau de la merde. Excusez-moi, c'est l'expression qu'emploie Romain Gary. Donc, il cherche les altitudes à 2000 mètres, 3000 mètres au-dessus du niveau de la merde pour, dans une certaine mesure, échapper à la frénésie du monde. Et cette expression de skibum, c'est le titre du roman qu'il a écrit en américain, puisqu'il écrivait ses romans aussi bien en français qu'en américain. Et en l'occurrence, pour skibum, il l'a écrit d'abord en anglais, et puis ça donnera Adieu Gary Cooper. Hein, vous avez cité ce titre-là quelques années plus tard, à la fin des années 60. Skibum donnera aussi, enfin inspirera aussi la jeunesse américaine. Il y aura des chansons qui s'appelleront Skibum sous l'influence de Romain Gary. Oui, parce qu'il faut dire que ce personnage de Lenny, il refuse d'aller faire la guerre du Vietnam. C'est un héros qui est un héros désengagé. Là encore, est-ce que ça correspond bien, selon vous, à Romain Gary ? Alors, c'est un héros qui est désengagé des structures de la société qui font, pour employer une expression de Romain Gary, que la plupart de ses contemporains sont des jetons de présence dans une sorte de grand Luna Park, qui est le Luna Park de la société. Mais effectivement, pour Lenny, lui, il refuse d'être un jeton de présence et il cherche plutôt une expérience de vie intime très très forte. La compagnie des auteurs sur France Culture. Jean-François Anguette, vous avez publié, ou plutôt édité en 2007 au Mercure de France, la nouvelle version du roman Gros câlin d'Émile Ajar, qui a d'ailleurs été reprise en 2012 en Folio Gallimard. Alors il faut parler un petit peu de ce livre. D'abord dire que c'est l'histoire d'un homme qui adopte un python. Alors Gros câlin, c'est effectivement pour sa trame narrative un trentenaire qui a pour animal de compagnie un python. C'est aussi le premier livre écrit sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Oui. C'est un livre qui sort en 1974. Et vous avez cité cette édition de 2007 qui a cette particularité d'intégrer la fin initiale qu'avait écrite Romain Gary. Donc la fin que voulait Romain Gary. Voilà, la fin que voulait Romain Gary. Qui a été publiée au départ. Et qui est une fin qui a été jugée par les éditeurs auxquels par des circuits discrets où il n'apparaissait pas en tant qu'auteur, les éditeurs avaient suggéré que cette fin était un peu hors ton, n'était pas dans le ton du reste. Et l'auteur anonyme qu'il voulait être à l'époque avait accepté ces coupures. Donc la fin était jugée trop différente par rapport au reste du roman. C'était une fin que Gary, enfin Ajar, je ne sais pas en l'occurrence de qui il faut parler, appelait son chapitre écologique. Alors, difficile, hein ? C'est difficile de résumer en quelques mots ce chapitre et cette fin inédite. Disons que par rapport à la fin qui était parue en 1974, ce chapitre reprend le dernier chapitre de la fin, mais le coupe en deux, insère un moment au milieu et un tout dernier chapitre, tout à la fin. Et ce chapitre, Romain Gary l'a qualifié d'écologique dans son témoignage posthume « Vie et mort » d'Émile Ajar, où il explique qu'il était Émile Ajar. Il n'a jamais révélé de son vivant qu'il était Émile Ajar. Et donc, dans cet ouvrage posthume, il explique que cette fin inédite peut être publiée séparément si son œuvre continue d'intéresser. Donc, c'était le cas plus de 30 ans après, en 2007, et toujours aujourd'hui, hein, son œuvre continue d'intéresser. Et donc, cette fin, il la qualifie d'écologique dans ce livre-là. Et il faut entendre une écologie qui ressemble un peu à l'écologie des Racines du ciel, qui était son premier prix Goncourt. Sur la chasse aux éléphants. Sur la chasse aux éléphants. Et vous avez un personnage principal qui s'appelle Morel, qui va défendre les éléphants en Afrique et qui combat les safaristes, qui combat les populations qui veulent se nourrir avec les éléphants, qui les chassent pour leur ivoire. Et ce Morel s'agrège toutes les sympathies planétaires via la presse. Dans le livre Gros câlin, Cousin, le personnage principal du roman, dans tout le roman, se demande s'il n'est pas le seul doué d'une extraordinaire sensibilité qui le distingue de ses contemporains. Et dans tout le livre tel qu'il était paru en 1974, Cousin n'évolue pas. Cousin se débarrasse à la limite de son python vers la fin du livre. Alors certains universitaires ont pu penser qu'il s'agissait d'un symbole d'une frustration sexuelle, puisqu'à la fin du livre il rencontre la femme qu'il aime, il fait l'amour avec elle, et puis après il se débarrasse de son python de compagnie. Donc c'était une interprétation, initiation d'une certaine façon. Voilà, une sorte d'initiation, mais ça ne résout pas les problèmes propre de Cousin. Alors que dans cette fin inédite, cette fin écologique, il y a un mouvement de transformation, un mouvement de transmutation. Et Cousin, après un moment de crise, puisqu'il s'est débarrassé de son python, effectivement, et puis il ne sait plus trop où il en est, donc il y a vraiment une crise d'ordre psychologique, mais il passe là une autre étape, et il se trouve qu'il est invité au bien nommé Palais de la Découverte, à une réunion publique, et là il s'aperçoit que toute la foule qui est réunie est douée, comme lui, d'une sensibilité, et lui parle avec amour, sans péjoration ni écaille, hein, c'est des termes un peu particuliers qu'il emploie, donc c'est-à-dire que personne ne se moque de lui, au contraire on l'appelle par son nom, pour ses qualités, et il y a une langue nouvelle qui s'instaure, la langue de l'amour. Et donc ce chapitre est écologiste au sens où justement où il donne l'image, à travers l'ensemble du roman cette fois, d'une évolution d'un pionnier de l'humanité, un pionnier doué d'une extraordinaire sensibilité, qui voit que son extraordinaire sensibilité, finalement, ne lui est pas propre, mais est partagée par d'autres, et que donc il y a une nouvelle humanité qui est en train de naître, faite d'amour généralisé, de fraternité totale. Donc c'est un roman au départ sur la solitude, cet homme très solitaire qui, parce qu'il se sent précisément coupé des autres, va prendre comme animal de compagnie un python qui aime les câlins. Et donc c'est le titre de ce roman, Gros câlin. Et au fur et à mesure, il s'ouvre d'une certaine manière aux autres. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a chez Romain Gary quelque chose de très solitaire, quelque chose de très coupé du monde qui finalement pourrait trouver là une sorte soit d'exutoire, soit en tout cas de transcription dans un roman? Alors, à ma connaissance, Romain Gary n'avait pas de python. Non. à ma connaissance, il était très câlin au monde. Il avait des carrières diverses et variées qui l'ont au contraire confronté au monde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était guerrier, aviateur. Oui, mais la solitude, ça peut être autre chose. On peut être solitaire au milieu des autres. Voilà, donc il était lui-même doué d'une sensibilité extraordinaire, ça c'est certain. Et peut-être justement qu'en écrivant l'aventure de Cousin, a-t-il un petit peu signifié l'extraordinaire sensibilité dont il se savait animé, qui est une sensibilité qui lui confère aussi une certaine angoisse, étant donné qu'on n'est jamais certain de la stabilité du monde, qu'il peut toujours y avoir des dangers cachés, que la moindre catastrophe devient un impact personnel, même si c'est une catastrophe à l'autre bout de la Terre. Et il y a aussi un certain dépit vis-à-vis de la société telle qu'il pouvait la fréquenter à l'époque. Il avait, à l'époque où il rédigeait Gros câlin, en 1973, il participait à des émissions de France Culture, et puis par des entretiens avec André Bourin, hein, dont vous avez donné un extrait tout à l'heure. Mais il expliquait qu'il y avait une formidable loi de Gresham qui s'exerçait dans les sociétés contemporaines avec des inflations démographiques. La loi de Gresham étant, en économie politique, la mauvaise monnaie chasse la bonne, hein, je cite son expression. Eh bien, il regrettait que dans les explosions démographiques, avec des jetons de présence humains qui sont jetés dans les sociétés, il y ait effectivement une disparition des enjeux humanistes associé à la vie ensemble, à la vie en commun. Chacun se réfugiait dans son quant à soi, dans sa trajectoire de carrière. Les personnes, tous les Parisiens sont qualifiés dans Gros câlin des usagers du métro. Alors usagers non pas ERS, mais usagers ES, comme si c'était eux le carburant, le comburant de ces superstructures que sont les tubes de métro et qui sont véhiculés pour effectuer des actions et puis qui rentrent le soir chez eux pour n'être confrontés qu'à leurs rêves et surtout la nuit à leurs cauchemars. Alors, c'est le premier roman d'Ajar et c'est peut-être le moment justement de commencer à parler des langues de Romain Gary parce que la langue d'Ajar est différente de la langue de Gary. C'est d'ailleurs bien pour ça que tout le monde va s'y tromper et que on ne va pas pouvoir imaginer, bon, il y a d'autres raisons, hein, que c'est la même personne qui est à la fois Romain Gary et Ajar. Alors, en quoi cette langue est-elle réinventée ? Alors, donc, Romain Gary, maître des langues, ça c'est certain, hein, il pratiquait l'anglais, le français, le russe, l'américain. On va y revenir. Voilà, il maîtrisait énormément de langues. Et en 1973, donc, il écrit, mais dans ses réflexes, dans ses protocoles d'écriture à la Romain Gary, dans ses cahiers, il écrit quelque chose qui, finalement, prend un ton nouveau. Une distance nouvelle par rapport au style plutôt classique qu'il écrivait jusqu'à présent. Et c'est une fois que le manuscrit est bouclé, et au moment de se dire « tiens, il faudrait que je le publie », qu'il se dit « tiens, bah, je ne vais pas le présenter sous le nom de Romain Gary, je vais inventer un personnage ». Ah, donc c'est a posteriori qu'il décide d'inventer Émile Ajar. Voilà, il s'est pas dit « tiens, je vais inventer Émile Ajar, et puis qu'est-ce que je pourrais écrire en Ajar ?» C'est que il a écrit sur ses cahiers noirs des projets de romans qui mêlent des projets de Gary et des projets qui seront ensuite Ajar, qui seront Coquelin. Et donc il se laisse gagner par l'écriture et dans un style très très nouveau. Effectivement très nouveau pour lui. Je pense qu'il a dû être même surpris, submergé par ce style. Et c'est un style qui, par rapport aux autres livres de Romain Gary, est un petit peu préfiguré par certains endroits, hein, bien sûr, dans Adieu Gary Cooper, que vous avez cité tout à l'heure, et même, donc il date de 1968, et même très très en amont, dans Tulip, en 1946, il y a des petits passages qui ressemblent, et des certaines formulations qui ressemblent aux formules d'Ajar. Mais effectivement, dans le style de Gros Câlin, qui est un style très neuf, hein, il arrive à avoir une langue complètement nouvelle, avec, à mon sens, deux caractéristiques. C'est le fait que il commente son récit. Donc, il y a une certaine méta-énonciation. Donc, il commente son récit avec des commentaires explicites. Ah ben, je vous dis ceci parce que. Mais aussi, la plupart du temps, avec des choses qu'il laisse complètement inexplicitées. Et donc, on a des portions de phrases qui semblent tomber comme des cheveux sous la soupe, mais qui s'expliquent comme étant... Ah bah oui, effectivement, il justifie pourquoi, quelques lignes plus tôt, il employait tel mot ou telle expression. Donc ça, c'est une des premières caractéristiques, d'avoir beaucoup de recul sur la langue et d'avoir de commenter son récit. Et puis, tous les référents ne sont pas explicités. Donc il y a certains termes qui sont employés, on peut les entendre de plusieurs manières, et le référent n'est pas explicité, on peut juste en avoir l'intuition. Donc il y a une volonté de s'inscrire dans un courant qui serait plus moderne, il y a cette volonté-là, ou à votre avis, on est plutôt là dans l'inspiration, et a posteriori, Romain Gary se rend compte qu'il a fait là quelque chose de neuf? Oui, je ne pense pas que ce soit le résultat d'un travail formel sur la langue inspiré par la comparaison avec d'autres auteurs. Je pense que c'est vraiment le résultat d'un travail sur la langue qui lui est venu dans l'inspiration d'un récit. Je suis né en Russie jusqu'à l'âge de 7 ans. J'y ai vécu, je me souviens de la Révolution, après quoi j'ai vécu 7 ans en Pologne. Je parle et j'écris couramment le polonais et le russe. Après quoi, la France. Ensuite, diplomate français dans 7 ou 8 pays différents, dans les ambassades et consuls général en Californie. Et le retour en Amérique, errance, comme vous dites, continuelle. Et il se trouve que je n'ai absolument aucun problème d'identité. Je me sens insolemment français. J'ai dit insolemment parce que probablement on se demanderait d'où me vient cette autorité. Je me souviens d'avoir eu un jour une conversation à ce sujet avec le général de Gaulle, et je lui avais raconté, à propos de mes nationalités et de mes errances, l'histoire du caméléon qui devient rouge quand on le met sur le rouge, bleu quand on le met sur le bleu, vert quand on le met sur le vert, etc., etc. Et puis on le met sur un tapis écossais et le caméléon devient fou. Moi, je ne suis pas devenu fou, je suis devenu écrivain. Je crois que c'est ce qui m'a sauvé, assuré ma stabilité psychique. Romain Gary qui répondait à Jacques Chancel. Alors justement, Jean-François Angouet, dans votre article du Cahier de Liane, vous racontez qu'à la question « En quelle langue écrivez-vous ?», Gary répondait souvent par cette anecdote du caméléon. Et il voulait dire au fond que le caméléon, lui, il était devenu fou, mais Gary n'était pas, lui, devenu fou. malgré le fait qu'il écrive en 16 langues, c'est ça ? Alors, il n'écrit pas forcément en 16 langues. Il convoque des mots de 16 ou 17 langues, selon la manière qu'on a de compter les exonymes qu'on peut trouver dans son œuvre. Mais il en articule effectivement plusieurs à l'écrit. Le polonais et le russe dans certaines lettres qu'on peut retrouver. Le polonais aussi dans des poèmes qui sont intégrés au premier livre qu'il a écrit, Forest of Anger. Qu'il maîtrise aussi bien que l'anglais et le français. Oui, oui. Et puis donc, il écrit le français, il écrit l'anglais. Et il écrit l'américain aussi, si on peut... Oui, il fait une différence entre les deux. Les deux langues, effectivement. Et alors, comment va-t-il choisir d'écrire un livre en anglais, de l'écrire en français, voire d'écrire alors, d'autres textes dans encore d'autres langues, Jean-François Angouet? Alors, je pense que ça lui vient un peu... avec les lieux qu'il parcourt. Alors, une différence de Romain Gary avec le caméléon, quand même, effectivement, c'est non seulement que lui ne devient pas fou et qu'il n'explose pas, mais c'est que le caméléon change de couleur quand il est sur la partie verte, il devient vert, sur la partie bleue, il devient bleu. Mais Romain Gary, lui, conserve les langues qu'il a conquises. Et effectivement, les langues qu'il pratique, celles qu'il écrit dans ses livres, dans son œuvre, c'est des langues qui s'accumulent, qui viennent d'une trajectoire, à la naissance à Vilnius, vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec une toute petite enfance qui est passée dans le russe. Vilnius, à l'époque, était russe. Sa mère l'a emmené à Moscou pendant la Seconde Guerre mondiale. Il revient ensuite... Première Guerre mondiale, merci. Il revient à Vilnius. La ville devient polonaise et puis il va à Varsovie. Donc là, il conquiert le polonais, il garde le russe et il fait des traductions du russe en polonais. Ensuite, en 1928, il arrive à Nice avec sa mère. Ben, là, il conquiert le français. Enfin, il faut dire qu'il parlait déjà français. Parce alors, il l'a déjà conquis. Il considérait, sa mère sûrement considérait davantage que lui que la vraie langue importante à connaître, c'était le français. Voilà, alors c'est une langue maternelle au sens où c'est la mère, effectivement, qui lui inculque le goût du français, la mère et puis son oncle et sa tante aussi, d'ailleurs, qui, quand il arrive en 1928 à Nice, lui font répéter, avant qu'il aille intégrer le lycée de Nice, lui font répéter son français. Donc c'est une langue mythique pour lui, le français, même avant d'arriver à Nice. C'est une langue conquise, en tout cas. Et après, c'est l'anglais, quand il est... aviateur à Londres, de la France libre, des forces françaises aériennes libres à Londres, il apprend l'anglais et puis il le garde et il s'en sert pour écrire. Son deuxième livre, Tulip, il l'a déjà écrit en anglais à l'époque. Son premier livre, Éducation européenne, qui paraît en France en 1945, est paru en anglais en 1944. Alors c'est pas lui qui l'avait écrit en anglais, mais c'était une traduction quand même. Mais dès qu'il publie l'Éducation européenne, il annonce aux journalistes qu'il interroge à cette époque-là que son prochain livre sera traduit ou peut-être déjà écrit en anglais. Ouais. Déjà écrit en anglais, oui. Et c'est une des caractéristiques de Romain Gary. Pendant la Seconde Guerre mondiale, effectivement, on a aussi des auteurs français qui sont allés à Londres ou qui étaient à New York, mais eux, ils sont restés dans leur langue. Romain Gary, lui, il arrive dans un lieu et il prend la langue, il adopte la langue et il crée à partir de cette langue-là. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce besoin comme ça de changer de langue d'écriture en permanence? C'est quand même pas banal? Non, mais c'est une performance assez extraordinaire. Je ne connais pas d'autres écrivains qui soient des écrivains à succès en France et aux États-Unis. Hein. Romain Gary était très célèbre aux États-Unis. Je l'ai rappelé tout à l'heure, il a inspiré des générations de chanteurs. Enfin bon. Et il est très célèbre en France. Il a eu plusieurs prix Goncourt en France. Et alors que aucune de ces deux langues n'était sa langue maternelle, quoi. C'est assez extraordinaire. Je pense que c'est peut-être lié. Enfin, on pourrait l'interpréter, mais là, ça dépasse mes compétences psychanalytiques en termes de stratégie de territorialisation. Hein. Mais non seulement il arrive dans un lieu, mais il s'approprie la langue du lieu et il domine le lieu et sa langue par de la création, quoi. Il est toujours poussé à une forme de domination. Mais là, c'est une hypothèse que je tente et je n'y crois qu'à peine. Est-ce qu'il y a, dans les romans qu'il choisit d'écrire en français et ceux qu'il choisit d'écrire en anglais, des constantes? Est-ce que le français lui servira davantage à exprimer telle sorte d'histoire ou telle sorte de sentiment ou telle vision du monde par rapport à l'anglais qui, du coup, serait une autre vision du monde, en tout cas son vecteur? Alors, quand il parle de son travail de romancier multilingue, enfin, en tout cas bilingue, entre le français, l'anglais et trilingue avec l'américain, effectivement, Il explique que c'est pas forcément des changements de vision, ce sont des changements de tonalité, avec des rythmes de phrases qui sont différentes, avec des contenus qui sont différents. Je pense à La tête coupable, par exemple, dans la version américaine, qui s'appelle The Guilty Head. Vous avez des personnages qui sont différents. Vous avez, par exemple, Malraux, qui est mis en scène sur tout un chapitre dans la version américaine, alors qu'il n'est pas du tout présent dans la version française. Oui. Il y a un personnage récurrent de Romain Gary qui s'appelle Le Baron, qui est présent dans La tête coupable, mais qui n'est pas du tout présent dans Guilty Head. Alors que Le Baron apparaît dans d'autres ouvrages en anglais. Donc c'est plutôt son inspiration du moment qui le guide, plutôt que la volonté de changer ses messages en fonction de ses lecteurs. Même si, bien sûr, il cherche un petit peu à, alors peut-être pas à flatter ses lecteurs, mais aller dans le sens de la culture de ses lecteurs pour que ses messages profonds puissent être effectivement reçus. Quand il critique très sévèrement la psychanalyse dans La Promesse de l'Aube, il ne la critique que très peu dans Promise at Dawn, qu'il avait réécrit un an après aux États-Unis pour ses lecteurs américains. Alors ça, c'est peut-être parce qu'on pense différemment quand on écrit dans une autre langue, et peut-être que finalement, il aime davantage la psychanalyse en écrivant en anglais qu'en écrivant en français. C'est plausible aussi, c'est une hypothèse à tester, oui. Une dernière chose quand même sur la langue française, vous avez dit que c'était sa langue maternelle à l'instant. C'est vrai que c'est peut-être la langue de l'obligation, le français, parce que c'est dans cette langue que sa mère lui a dit qu'il devait réussir, sa mère qui lui disait « tu seras ambassadeur de France ou titan de la littérature française ». Alors ça, c'est ce qu'il raconte dans La Promesse de l'Aube, effectivement. C'est le portrait de la mère qui lui désigne des fonctions, qui l'assigne à des fonctions. Mais qui ont un rapport à la France. Qui ont un rapport à la France, à la langue française. Bien sûr. Mais je vois plus les injonctions maternelles comme la marque d'un élan qui est né avec la Révolution française et qui passe par par la trilogie Liberté, Égalité, Fraternité, et puis par la Marseillaise, qui sont un élan qui a inspiré vraiment l'Europe entière et qui a été entendu jusque dans les confins de la Pologne et de la Lituanie, et qui étaient des idéaux qui parlaient effectivement à ces personnes là-bas, dont la mère de Romain Gary. Et quand elle l'initie au français, quand elle le fait passer au français, quand elle lui inculque le français, c'est moins pour qu'il réalise véritablement des choses que pour qu'il ait accès à cette langue de l'universalité. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Jean-François Angouette, nous allons marquer comme chaque jour une pause dans cette émission, le temps de nous transporter à Bordeaux où nous attend en duplex Olivier Meuny pour En Compagnie des Revues. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Avant de vous entendre pour votre chronique, je voulais vous poser ma traditionnelle question. Y a-t-il un livre de Romain Gary qui vous plaise plus qu'un autre ? Je vous répondrai que ce sont ses biographies qui me plaisent le plus. Mais enfin, pour être tout à fait honnête, des lectures adolescentes de Lady L ou de Chien Blanc avaient laissé sur moi une trace très profonde, oui. Ouais, y a un moment de sa vie qui vous plaît en particulier ? Oh, mais ça, c'est mon côté midinette que vous avez certainement déjà repéré, Mathieu, mais c'est vrai que toute l'histoire autour de Jean Seberg est d'une telle tristesse et d'une telle beauté à la fois que on ne peut pas ne pas s'empêcher d'y revenir sans cesse, comme l'a fait dernièrement dans un joli livre Ariane Chemin, par exemple. Alors aujourd'hui, vous avez voulu porter à notre attention celui qui est pour vous le plus scandaleusement méconnu des grands écrivains anglophones du siècle passé. Il s'agit de Mordecai Richler. Oui Mathieu, et justement je suis heureux de pouvoir vous en parler dans le cadre d'une émission consacrée à Romain Gary. Parce que s'il convient de ne pas faire parler les morts, quoique chez Gary, comme chez Richler d'ailleurs, il sait parfois des choses plus intéressantes à nous dire que les vivants, nul doute que la fantaisie noire, l'insolence, la puissance romanesque et la prégnance dans l'œuvre d'un petit monde juif et finalement disparu, qui sont les marqueurs indélébiles de l'œuvre de Richler, n'auraient pas laissé indifférent le lecteur averti qui était aussi Gary. Alors qui était donc ce Richler que vous tenez en si haute estime, Olivier ? Avant tout, un gosse de Montréal. Il y est né en 1931 et il mourra 70 ans plus tard. et plus exactement d'ailleurs un enfant du Mailand, quartier populaire et juif, dont pas plus que lui ne parviendra jamais à s'extraire tout à fait son autre enfant terrible, Leonard Cohen. Et le Mailand qui sera la matrice d'une bonne partie de son œuvre romanesque. Canadien, là où il aurait mieux valu pour sa carrière qu'il fût américain, anglophone dans une ville majoritairement francophone, juif chez des Montréalais plutôt catholiques, Mordecai Richler pourra écrire « Être canadien et être juif, c'est émerger deux fois du ghetto ». Il se consacrera dès lors sa vie durant à l'impérieux devoir de déplaire. Profondément ancré à sa terre, son quartier natal, le pays de l'enfance, il n'en demeurera pas moins, fuyant les assignations à résidence et tournant en ridicule tous les effets d'établissement. Ce qui en fera dans son pays, très à cheval sur les questions identitaires, l'écrivain tout à la fois le plus admiré, mais aussi le plus craint et très souvent le plus détesté. Alors pour nous qui ne sommes pas canadiens, pourquoi devrait-on lire, selon vous, Richler ? D'abord parce que en le lisant, on le devient canadien, et puis aussi finalement parce que pour les mêmes raisons qu'il n'est pas nécessaire de fréquenter assidûment la synagogue de Newark pour lire Philip Roth. Et parce que justement, Mordecai Richler est en quelque sorte le chaînon manquant entre Roth et John Irving. Invariablement, ses livres, ses romans sont des épopées, les plus drôles et mélancoliques des épopées. Maître de sa propre démesure, très au fait de la marche du monde, ou plutôt de comment et pourquoi il boite, Richler appuie là où ça fait mal à la société tout entière, sa capacité à vouloir moins des histoires que du storytelling, comme on dit maintenant, à ignorer ses zones d'ombre. Son obsession romanesque première, c'est la disparition. Celle d'un héros charismatique, avec ses complexités, ses ambiguïtés, comme celle d'un monde. Le tout baigné à la fois dans un grand rire dévastateur, comme dans une intense mélancolie. Alors pourquoi, à l'inverse, les lecteurs français l'ont-ils à ce point ignoré et que faut-il lire en premier pour se rattraper ? Bien Mathieu, jusqu'à l'année dernière, Richler avait connu en France un destin éditorial assez compliqué, passant d'une maison d'édition à l'autre, alors que ses traductions n'étaient pas toujours irréprochables. L'an dernier, des excellentes éditions du Sous-Sol ont entrepris de le faire retraduire et de rééditer l'ensemble de son œuvre romanesque. C'est évidemment par là qu'il faudrait commencer. Avec cette épopée pleine de bruit et de fureur qu'est Solomon Gursky, désormais disponible en collection de poche Point. Une saga familiale sur fond d'identités introuvables, mais aussi d'expéditions arctiques avec Franklin, de tribus inuites converties au judaïsme, de Londres au temps de Dickens, de longues marches de Mao, de l'ultime coup de téléphone de Marilyn Monroe, de Prohibition, et de dizaines d'autres choses encore quand prestidigitateur sardonique, Richler sort de sa manche. On poursuivra par son premier grand roman, L'apprentissage de Dody Kravitz, réédité en ce début d'année, récit de la vie, Bigger Than Life, en bon français, d'un self-made man, roman de formation comme de déformation. Dody Kravitz est l'un de ces héros richlériens qui porte en lui un monde et déjà sa nostalgie. Je m'en voudrais de ne pas citer aussi le dernier roman de Richler, pour moi son chef-d'œuvre, Le Monde de Barney, sorte d'autobiographie imaginaire, de portrait de l'artiste en producteur atrabilaire et amoureux, joliment adapté au cinéma d'ailleurs, voici quelques années, avec Dustin Hoffman et Paul Giamatti. Autre chef-d'œuvre, Joshua, qui revisite en beauté les années d'errance de Richler, du Swinging London jusqu'au Ibiza d'avant Ibiza. Et puisqu'il est de coutume de dire que l'été est propice à la lecture de sagas romanesques, Mordecai Richler en tient une, et une des plus belles, à la disposition des lecteurs qui ne voudraient ni bronzer ni lire idiot. Merci Olivier pour ces conseils de lecture. Et merci Mathieu. Nous donnons rendez-vous pour très bientôt. Et nous parlons de Romain Gary dans la compagnie des auteurs pour poursuivre cette émission sur la question de la place qu'il a eue dans la littérature française et américaine. Et bien, je vous propose d'écouter ce qu'en disait le regretté critique Tsvetan Todorov. Il faut donc s'interroger tout de suite avant même de dire positivement en quoi consiste cette place de Gary. Il faut s'interroger sur les raisons qui font qu'il ne l'occupe pas. Je pense qu'il y a au moins deux raisons. L'une, c'est qu'il y a chez Gary quelque chose d'excessif, de débordant. Gary est toujours un peu dans le trop. À la différence d'autres grands écrivains, il n'a pas su se concentrer dans une œuvre ou dans deux. Vous savez, comme On peut dire que Camus s'est donné dans L'étranger, la peste, et puis c'est tout Camus. Eh bien, Gary a écrit, c'est même difficile à compter, probablement autour de 25 romans, plus une dizaine d'autres livres de fiction, de théâtre, d'essais. Et cette dispersion même, mais qui est très caractéristique du personnage, fait qu'il est difficile de choisir une œuvre et de dire « voilà, c'est cela que Gary laisse pour la postérité ». La même chose se répète à l'intérieur de chaque œuvre. Là aussi, les œuvres souffrent un peu d'un trop. Leur manque unique, je dirais, c'est qu'il n'y manque rien. C'est qu'au contraire, quelqu'un aurait peut-être dû, un éditeur amical et exigeant, aurait dû les amaigrir un peu, les rendre plus laconiques. Ces œuvres sont toutes un peu trop longues, un peu répétitives, avec des passages dont on se dit que, ma foi, si on l'enlevait, ça rendrait l'œuvre encore plus belle. Voilà Jean-François Angouette pour les limites que Todorov voyait à l'œuvre de Gary. Todorov qui considérait hein, par ailleurs qu'on avait avec lui l'un des cinq plus grands romanciers de langue française. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Ah oui, tout à fait. Mais c'est même assez. On peut même réduire le décompte des. À combien ? À un. À un, c'est le plus grand. Et puis on n'est pas obligé de le limiter à la langue française. On peut aussi l'étendre. Aux langues mondiales. Qu'est-ce qui en fait le plus grand pour vous quand même ? Ben c'est quelque chose, enfin c'est multiplicité d'unicité quoi. Donc il est écrivain compulsif assurément. Cet Anne Todorov le regrette un petit peu que ça déborde. Je trouve que si ça avait débordé encore plus, ça aurait pas été plus mal. Est-ce que vous auriez encore des choses à découvrir peut-être ? Oui, voilà, des choses à lire, des découvertes à faire, des intuitions sur le monde qui sont données. Et donc c'est une œuvre donc dans des langues qui lui appartiennent pas a priori qu'il a conquise, c'est pas tout le monde qui est romancier dans cette Oui, mais ça c'est de la performance, c'est pas ça qui fait forcément un bon roman d'écrire dans une langue qui est pas la Non, et puis des livres qui rencontrent le succès c'est aussi cette autre caractéristique de son un peu de sa base philosophique, c'est quelque chose qu'il appelait ainsi de ce nom-là, la base philosophique non pas au stand de la stabilité de quelque chose du bas de la pyramide, mais de la base philosophique au sein de la base aérienne, qui est l'endroit d'où on part et l'endroit d'où on vient, et c'est la sécurité, on n'est plus soumis aux dangers de la flaque et autres canonnades quand on est aviateur, guerrier comme lui. Et c'est quoi alors cette Et donc base c'est donc cette base philosophique telle qu'il l'exprime, et je pense que c'est assez unique effectivement dans la littérature que j'ai pu parcourir en tout cas, c'est cette idée que vous avez ces personnages, ils vivent des aventures. Ces aventures, la plupart du temps, elles sont insérées dans un contexte historique qui est contemporain de l'écriture. La Seconde Guerre mondiale pour les résistants de la forêt polonaise dans Éducation européenne. Ça peut être, dans Gros Câlin qu'on évoquait tout à l'heure, les combats en faveur du droit à l'avortement. En 75, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, c'est la crise du pétrole. Dans Les couleurs du jour, en 1952, c'est la guerre de Corée. Enfin, il y a toujours un contexte contemporain dans lequel s'inscrivent les aventures des personnages de Gary. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce contexte historique, contemporain et réel et réaliste, il est aussi, lui, inséré dans une perspective d'évolution. Et d'une évolution. Donc, Gros Câlin, on l'évoquait tout à l'heure, vous avez un trentenaire qui vit avec un python. Ce que symbolise le python quand on lit le livre et quand on le lit dans la pleine version avec la mutation écologique qui s'effectue à la fin de l'ouvrage, on se rend compte aussi que le python aux yeux de Cousin, aux yeux de l'humanité d'aujourd'hui, peut tout à fait bien symboliser l'état de l'humanité actuelle vis-à-vis de l'humanité future amenée à s'épanouir à partir de personnes, espérons-le, qui ressemblent à Cousin plutôt qu'à Hitler. par exemple. Et donc, c'est cette perspective de l'évolution qui est toujours convoquée dans les voies intérieures des personnages. Ils sont tous conscients qu'il va se passer quelque chose, que le monde est peut-être sur le point de basculer, comme Morel dans Les Racines du Ciel. C'est le premier roman qui met vraiment ceci en scène. Donc, c'est ça la base philosophique ? Voilà, c'est qu'il y a une aventure de l'espèce qui est faite d'évolution. Et ce qu'ajoute encore à la base philosophique, à sa base philosophique Romain Gary, c'est que l'issue de cette évolution, il faut affirmer qu'elle soit heureuse. Autrement dit, il y a un devoir éthique que se sent avoir Romain Gary, c'est de déclarer que non seulement le monde évolue, qu'on peut pas laisser la société actuelle dans un état stagnatoire tel qu'elle existe aujourd'hui, mais qu'on ne peut pas non plus désigner ce vers quoi nous allons aller pour que le monde soit meilleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de flèche directionnelle. C'est une des expressions de Cousin. Ah, il y a absence de flèche directionnelle. Mmh. Mais on peut espérer que ce soit l'incarnation des idéaux tels que liberté, fraternité, égalité, justice. Dans Les couleurs du jour, en 1952, justice est un mot qui ne peut pas se prononcer. C'est la jus et la frat, on peut pas. Et de plus en plus, l'œuvre affirme que si pour l'instant, effectivement, les sociétés actuelles et les civilisations ne sont pas construites par des échanges d'amour universel qui font que la fraternité est effectivement instaurée, que la justice est effectivement instaurée. En revanche, ils sont amenés à s'instaurer par l'exemple de la culture, par l'affirmation des romans humanistes, ceux de Malraux qu'il cite fréquemment, mais surtout ceux de Romain Gary qui ouvrent davantage de portes encore. Alors bien sûr, ce ne sera pas pour tout de suite. Hein, une des phrases préférées de Romain Gary qu'il expliquait dans des interviews, c'était... Le véritable optimisme consiste à se dire que les 25 000 prochaines années seront très difficiles. Puisque vous revenez sur Gros Câlin, écoutons-en un extrait. Je suis rentré chez moi, mais ne pus dormir. Ça chantait d'amitié. Et il y avait des coquelicots en fleurs. J'aime les coquelicots à cause du nom qu'ils portent. Coquelicots, c'est gai. Et il y a même là-dedans des rires d'enfants heureux. J'ai souvent ainsi des mouvements d'orchestre intérieur, avec danse et légèreté, encouragement des violons et gentillesse populaire, à l'idée de toutes les richesses amicales qui m'entourent, des trésors enterrés qu'il suffit de découvrir, les 2 milliards d'îles au trésor baignées par le grand fleuve Amour. Les gens sont malheureux parce qu'ils sont pleins à craquer de bienfaits qu'ils ne peuvent faire pleuvoir sur les autres pour cause de climat, avec sécheresse de l'environnement. Chacun ne pense qu'à donner, donner, donner, c'est merveilleux. On crève de générosité, voilà. Le plus grand problème d'actualité de tous les temps, c'est ce surplus de générosité et d'amitié qui n'arrive pas à s'écouler normalement par le système de circulation qui nous fait défaut, Dieu sait pourquoi. Si bien que le grand fleuve en question en est réduit à s'écouler par voie urinaire. Je porte en moi, en quelque sorte, des fruits prodigieux, invisiblement, qui chutent à l'intérieur avec pourrissement, et je ne puis les donner tous à Gros Câlin, car les pitons sont une espèce extrêmement sobre. Et Blondine, la souris, ce n'est pas quelque chose qui a de gros besoins, le creux de la main lui suffit. Il y a autour de moi une absence terrible de creux de la main. My solitude, you haunt me with revelries of days gone by. Alors, il faut préciser quand même que le propriétaire du python de Gros Câlin est obligé de lui donner à manger. Donc il doit lui manger des souris, qui sont des souris vivantes. Évidemment, ça lui fait aussi beaucoup de peine d'être obligé de sacrifier des souris vivantes pour son animal de compagnie. Qu'est-ce qu'il vous inspire, cet extrait, Jean-François Angouette ? Alors, dans cet extrait, il y a effectivement cette expression de sécheresse de l'environnement, et qui correspond à cette critique un peu de la société actuelle qu'il constate et qu'il dénonce. Il y a toute cette amitié qu'on aimerait pouvoir donner, mais qui n'arrive pas à s'écouler. Donc il dit que ça s'écoule par voie urinaire, c'est-à-dire c'est via la sexualité. Est-ce que la sexualité, c'est juste... c'est la vraie rencontre entre les personnes. Je pense que Romain Gary en doute. Et quand il dépeint tout ceci, il dépeint effectivement une condition humaine qui n'est pas encore une condition de plénitude des sentiments et des relations. Et ce que ça m'évoque, finalement, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure pour cette particularité de l'œuvre de Romain Gary, c'est de considérer que l'homme est encore un pressentiment de lui-même. C'est une expression qu'il a souvent. Que les 25 000 prochaines années seront difficiles. Que nous vivons dans un stagnatoire, que nous sommes des jetons de présence. Et que tout ce qu'on peut essayer de construire d'un point de vue sociologique pour vivre ensemble n'est pas encore l'aboutissement espéré. En fait, ce qu'appelle Romain Gary, c'est vraiment une toute autre espèce, quelque chose d'inconnu. J'aspire à être un homme et je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais dans l'esprit de Romain Gary, ça correspond quand même à des attributs de fraternité généralisée qui font que finalement, au fil de cette évolution de longue haleine, l'homme ne sera peut-être même plus exactement lui-même. Il y aura une transmutation ontologique. Et Romain Gary, en ce sens, est l'héritier du 19e siècle, non pas sociologique de Kant, de Condorcet, etc., mais du 19e siècle de l'évolution ontologique, dont auront parlé des penseurs comme Philippe Buchez, comme le théologien protestant Michel Nicolas, ou Ernest Renan, qui parle de son Deus in fieri, c'est-à-dire que du Dieu en devenir. Et ce Dieu en devenir, c'est l'homme qui est en train de se construire et de se transformer. Et quand il ne sera plus là, il aura laissé place à une espèce autre qui aura tous les attributs qu'on reconnaît aujourd'hui à Dieu en tant que Dieu amour. Voilà pour les influences de Gary. Qui sont les influencés de Gary? Qui sont ses descendants? Vous avez parlé tout à l'heure d'un certain nombre, même non seulement d'écrivains, mais aussi de chanteurs. Je crois que vous avez cité Thiéphaine. Qui est-ce qui pourrait aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis comme en France, comme peut-être ailleurs aussi, mais dans les deux langues principales de Gary, se revendiquer de lui, selon vous, Jean-François Angouette? Alors j'ai du mal à trouver effectivement des romanciers qui plongent leur roman dans cette idée, dans cette conscience aiguë du fait que l'humanité n'est que transitoire et va déboucher sur autre chose. En revanche, effectivement, parmi les chanteurs, Hubert-Félix Thiéphaine est celui qui, avec le plus de constance et le plus de talent dans ses chansons, évoque effectivement cette mutation nécessaire. Dans quelles paroles, dans quelles chansons vous avez en tête? Ah, je ne sais pas, il faudrait demander à Madame Salvan Renucci qui étudie ça précisément, et puis en plus en lien avec Romain Gary, le cas échéant, sous toutes les influences dont est nourri Hubert-Félix Thiéphaine, mais des albums comme Dernière balise avant mutation. La mutation, c'est la mutation ontologique, avec une chanson comme Soleil cherche futur, qui d'ailleurs cite Romain Gary pour Adieu Gary Cooper. Qui pourra faire taire nos grondements de bêtes? Et donc effectivement, c'est que l'homme est encore un python, avec des grondements de bêtes, peut-être un peu plus félins, peut-être, le terme grondement, mais effectivement, on sent qu'il s'agit de mettre fin à cet état très peu avancé de l'évolution pour devenir quelque chose d'autre. En fait, ce qui frappe dans votre analyse de Romain Gary, c'est cette idée que, bien que ses idées lui soient extrêmement personnelles, elles aspirent toutes à l'universel, Jean-François Angouette. Alors que lui-même, finalement, écrit des choses qui n'appartiennent qu'à lui. Alors, si on le regarde du point de vue de la facture de l'œuvre, effectivement, de l'esthétique de l'œuvre, ça confère une dimension mythologique à l'œuvre. C'est pour ça que, par exemple, Malraux a pu qualifier La danse de Gengis Khan d'un roman mythologique. La danse de Gengis Khan, où vous avez le personnage humanité qui est symbolisé par Lily, et avec tous les êtres humains qui essaient de la faire accéder à une autre étape. C'est exactement cette autre histoire que raconte le film de Romain Gary, Les oiseaux vont mourir au Pérou, puisque parmi les langues à disposition de Romain Gary, il y avait aussi le film Les oiseaux vont mourir au Pérou. Vous avez le personnage principal, Adriana, qui symbolise tout à fait l'humanité, avec ses amants qui cherchent à lui faire, à la faire accéder à un autre statut. Merci beaucoup Jean-François Angouet. Je rappelle que vous êtes le président et le fondateur de l'association Les Mille Gary, que vous avez co-dirigé le cahier de Lerne Gary, que vous avez aussi édité et préfacé le roman Gros câlin aux éditions du Mercure de France en 2007. Demain, nous serons en compagnie de Myriam Anisimov, toujours pour parler de Gary. Mais avant cela, Jacques Bonafé nous lit des textes de James Sacré et Antoine Emaz. Bonjour. Cette semaine, on la passe avec James Sacré. Le montage de ces figures qui bougent un peu est alterné de notes et de citations d'Antoine Emaz dans Cambouis, qui est paru au Seuil, collection Déplacement. Un poète, dit Emaz, c'est peut-être quelqu'un qui, à tort ou à raison, veut des mots là où il n'y en a pas. Et pour cause. James Sacré, figure 10. Dans la neige qui tombe, il y a le thème de l'oiseau. Mort, c'est toujours. En fait, je m'en souviens mal des poèmes un peu mièvres qu'on récitait. À l'école primaire, la terre était gelée, dure, quand on partait le matin. Je m'en souviens pas si on a trouvé un oiseau dans l'herbe, peut-être un moineau, presque rien, dans les buissons transparents. Ça devait être une récitation de François Coppet, ça neige encore aujourd'hui. On peut pas dire que les oiseaux semblent particulièrement contents, mais leur cri résonne plus clair dans tout le blanc. Je crois bien que c'est pas grand-chose qu'on a récité dans la lumière un peu grise tous les matins de l'école, une espèce de rengaine. Décidément vide, je l'entends partout, sa bêtise têtue, dans les grandes œuvres, comme on dit, autant de petits morts. On sait pas trop des pages d'écriture. Où est-ce qu'on les a ramassés? Où? Si la poésie de Sacré est complexe, elle n'est pas compliquée dans son abord. Le lecteur ne s'interroge pas sur ce que le poète veut dire, il le dit en clair. Nous sommes en face d'un jeu subtil de forme d'écriture qui ne gêne pas la saisie du sens. Cette poésie impose une langue, évidemment, mais ce n'est pas une langue qui exclut, elle accueille d'abord. Est-ce qu'on peut parler de la mort pas venue encore des gens qu'on aime pour leur dire maintenant le silence de ce qu'on dirait peut-être alors et parce que c'est peut-être moi qui vais mourir d'abord ou trop juste après eux pour avoir le temps de construire quelque chose avec des mots avant? En tout cas, c'est pas simple d'imaginer que quelqu'un est mort quand il est encore vivant, même si c'est loin dans l'absence et des gestes qu'on saurait plus comprendre, malgré d'autres qu'on a connus, ou tellement près, au contraire, dans la familiarité menteuse à force, comme une odeur qu'on sent pas, une pendule qu'on dirait silencieuse, pourtant elle marche. Est-ce que la mort, c'est pareil, cette même hésitation, sans importance à la fin, entre quelque chose qui serait très loin et quelque chose qui serait là. Poésie apaisée, elle accompagne la vie, la mort, les choses et leurs cours dans une forme de lyrisme personnel qui déploie toutes les facettes de la sensibilité du jeu. Et pourtant, ce n'est pas une poésie narcissique dans la mesure où il n'y a pas de recherche de mise en valeur de soi. Le poète est là d'abord comme récepteur de ce qui se passe à la fois dedans et dehors, dit Antoine Emaz, dans la préface de Figures qui bougent un peu. Je voudrais pas mourir, mais je vois bien qu'il faut dire cela dans presque la poussière, avec des précautions de langage tellement dérisoires, des précautions de vivant. Merci Jacques Bonafé pour ces extraits de textes poétiques. Thank you.